Mon cœur bouillonne de belles paroles. Je dis mon œuvre pour le roi. Ma langue est comme la plume d'un habile écrivain pour chanter ta grâce et ta foi. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. T'as couronné d'honneur sans trêve. Saint en épée sur ta cuisse, héros, ta majesté et ta splendeur. Avance avec vérité, douceur, justice, et ta droite fera des choses d'ample. Ton trône, ô Dieu, est pour toujours. Le sceptre de ton d'équité, tu aimes la justice, tu es la méchanceté. Dieu t'a oint d'une huile de joie élevée. Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés. La reine se tient à ta droite en ordophile. Écoute, la maison de ton père pour le suivre. Le roi désirera ta beauté, car il est ton Seigneur. Prosterne-toi devant lui. La fille de Tyr vient avec des présents. Les plus riches du peuple cherchent ta face, ta vie. Toute resplendissante est la fille du roi, vêtue de brocart.